Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Hervé Di Paris. Salut Hervé, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va bien et toi ? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'est normal, ça me fait plaisir. Là en confinement, j'ai besoin de parler, c'est normal. Le plaisir est partagé et je te comprends totalement. C'est vrai que ça nous fait du bien de discuter en ce moment. Au moment où on enregistre, on est confiné encore, mais au moment où sortira le podcast, on sera certainement libre et peut-être qu'on sera sur scène en train de kiffer avec des gens. J'espère fortement. J'en peux plus. Eh bien, nickel. Le verdict, ce sera au moment de la sortie de l'épisode. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oui, des anecdotes. Franchement, oui, j'en ai. Parce que le milieu artistique, le stand-up, en fait, tant que tu n'es pas dedans, tu ne réalises pas ce que c'est vraiment, en fait. Tu sais, avant de rentrer dans le milieu, tu as l'impression que tout est magique, tout est beau, que tu vas rentrer, tout va rouler et tout. Mais en fait, j'avais cette naïveté de se dire « je vais venir sur scène et… » ça va rouler, ouais, mais il faut taffer pour ça, en fait. Il faut écrire. Il faut taffer, et encore taffer. Et quand t'es fatigué, c'est que le début, parce qu'il faut continuer à taffer. Et en fait, ouais. Ça, on te le dit pas, et ça, tu réalises pas, parce que tu dis, Et tu sais, t'as cette naïveté de te dire, ouais, les gens vont m'aider, je vais aller voir telle ou telle personne pour qu'ils m'aident. Mais les gens n'ont pas ton temps, en fait. Les gens n'ont pas ton temps, et en plus de ça, ils en ont rien à foutre. Ouais, c'est ça. Ils ont aussi leurs problèmes comme toi, en fait. C'est-à-dire que vous êtes entre personnes qui ont des problèmes. Donc, pourquoi ton problème serait plus important que son problème, en fait ? Ouais. Tu sais quoi, tu me rappelles un truc vite fait. Au tout début, quand j'ai commencé, j'avais bossé un peu avec une agence, qui devait me trouver des dates et tout. Bon, finalement, ils m'ont trouvé que dalle, mais c'est pas grave. C'est des dates, mais à manger, en fait, c'est ça. Ça va, tu vois. on avait dû se parler au moment du Ramadan, tu vois, et du coup, ils ont joué sur les mots. Je me suis fait avoir. Ouais, c'est ça, je comprends. Ah, tu sais, les fausses promesses dans le métier, c'est légion. Et donc, je te disais, tu me rappelles un truc, en fait, c'est qu'à un moment, donc cette agence-là avait demandé à un artiste, elle n'a jamais voulu me donner le nom, et franchement, aujourd'hui, je m'en fiche, mais à l'époque, j'aurais voulu savoir. Mais en gros, elle a demandé, donc cette personne-là a demandé à un artiste, elle lui a dit, ouais, j'ai un humoriste qui débute, est-ce que tu accepterais de le prendre en première partie de ton spectacle ? Et là, le mec, ou la meuf, mais je crois qu'elle m'avait dit que c'était un mec, mais en tout cas, l'humoriste a dit, non, je ne le prendrai pas. Et il a rajouté derrière, genre, moi j'ai galéré, alors faut qu'il galère aussi. Ah ouais. Tu vois la mentalité ? Non, ça c'est de la merde. Ah, mais totalement. Ça, c'est une mentalité de merde. Totalement. Moi je sais que depuis que j'ai commencé mon spectacle, à chaque fois, je propose aux amis de venir faire des premières parties. Des fois, je mets même des mots, même à des gens que je connais pas ou quoi. Je mets par exemple, ouais, je joue dans telle ville et tout. Si jamais il y a un humoriste, venez, tu vois. Genre, j'invite vraiment tout le monde. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de connaître les gens pour ça. J'estime que la première partie, c'est un petit coup de pouce. Ça coûte rien, quoi. Ça te coûte rien. Et puis, à part si la prod te bloque ou je sais pas quoi, mais encore, ça peut arriver. Là, tu peux comprendre, mais sinon, franchement, ouais, non, ça coûte rien. Mais après, oui. Quand c'est la volonté de la prod, je peux comprendre. Et honnêtement, moi, dans ce cas-là, je dirais à la prod quand même, oubliez pas que moi, à l'époque, j'étais content d'en faire des premières parties. Donc, s'il vous plaît, laissez cette personne-là la faire. Mais si vraiment ils insistent pour une question de timing, parce que des fois, tu as des salles où tu joues, tu joues de 20h à 21h. Si tu joues à 21h, tu es encore sur scène, tu rajoutes une heure de location. Donc, c'est autre chose. Si c'est ça, j'accepte. Mais moi, je te parle de ceux dont c'est l'initiative personnelle. Tu vois, c'est genre, ouais, non, moi, je prends pas de première partie. T'as envie de dire, mais mec, je sais pas, toi, t'étais content d'en faire à l'époque. Ouais. Non, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont peu de mémoire et tout, hein, je comprends totalement. Hein, donc, je te suis totalement là-dedans. Il faut bosser et te dire que les gens chez qui tu vas frapper, il y en a beaucoup, pas tous, évidemment, Dieu merci, mais il y en a beaucoup qui vont te dire, en gros, chacun ses ennuis, chacun ses galères, quoi. Ouais. Galère d'humoriste, c'est ça. Ça commence par là, en fait. C'est l'introduction. Voilà. En fait, il faut être conscient de ça. En fait, il faut être conscient de ça, c'est que t'es tout le monde et personne à la fois. Tu dois te construire. Tu dois prouver que tu as ta place, en fait. Et tant que t'as pas prouvé ça, les gens te prennent pas en considération. C'est une réalité, en fait. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut bosser. Donc, l'un des premiers retours d'expérience que j'ai, c'était, ouais, faut taffer, mais dur, quoi. Déjà, c'est ça. Et après, des souvenirs que j'ai pu avoir. La première fois que je suis monté sur scène, je faisais des cours de théâtre et tout. Et dans mon cours de théâtre, Je voulais faire du stand-up et il disait non, le stand-up, c'est pas bon, il faut rester dans le dramaturge et tout et tout. Sauf que moi, j'aime le théâtre classique, contemporain, mais j'aime également le stand-up. Pour moi, le stand-up, c'est un moyen d'expression. Tu vois, c'est un art qui est un moyen d'expression D'accord. différent de ce qu'on peut trouver dans le théâtre classique contemporain, mais qui est un moyen d'expression. On va dire que l'arbre, c'est le théâtre, et après les branches, tu as le stand-up, tu as l'impro, tu as le slam, tu as tous les styles, les dérivés qui viennent de là, tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours été amoureux des deux, en fait, hein. J'aime tant le théâtre classique que le stand-up. Et quand j'ai voulu monter pour scène pour la première fois, si je suis monté, j'avais écrit un sketch, je venais passer mon permis de conduire et tout, et j'avais pas mal galéré. Je l'ai eu au bout de la cinquième fois. Donc en fait, j'étais une merde, en fait. C'est ça, en fait. J'arrivais pas, en fait. J'y arrivais pas, le permis de conduire. Je galérais de ouf. Et donc, le jour où je l'ai eu, le jour même, en rentrant et tout, j'ai écrit. J'ai écrit. Et ensuite, moi, je suis monté sur scène. Et j'en ai parlé. Je savais absolument pas ce que ça allait donner. Les gens rigolaient. Ça s'est bien passé. Et suite à ça, on m'a dit, ouais, franchement, c'est bien, mec, est venu me voir, ouais, c'est bien ce que t'as fait et tout. Tu veux pas venir jouer dans mon plateau et tout? Je dis, bah ouais, carrément. Et tu sais, j'ai eu un chapeau, on m'a donné l'argent du chapeau. Et moi, je ne savais pas ce que c'était le chapeau, en fait. Je découvrais le chapeau. Je dis, attends, là, en fait, je suis payé parce que j'ai fait des blagues. Ah ouais? Sérieux? Ah ouais, Ah, je savais pas que ça existait, ça. c'est vrai que c'est surprenant. Alors, est-ce que c'est en hommage à cette première scène où tu as touché un chapeau que maintenant tu en mets toujours un sur scène? Non, même pas. Non, même pas. Bien joué, franchement, bien joué. Non, non, c'était un style que j'aimais bien, en fait, tout simplement. Non, je plaisante évidemment, mais Mais franchement, c'est bien une joué. approche. Mais tu sais quoi? Mais Franchement, c'est bien sincère, hein, placé. vraiment. Je te remercie, frérot. Franchement, moi, je te dis, quand je te vois sur scène, j'aime beaucoup, tu vois, je trouve que tu as trouvé ton clown, comme on dit, tu vois, et Ouais, que ce soit au niveau de la prestance scénique ou au niveau de la tenue de scène, franchement, ouais. tu as la classe et ça fait plaisir à voir. Donc, c'est pour ça, j'ai toujours ton image avec le petit costard, le petit chapeau qui va bien. Tu sais, le chapeau un peu à la Ben l'oncle Soul, tu vois. Exact, ouais. Merci beaucoup, Sofiane, ça fait Ah, mais plaisir. c'est stylé, c'est sincère. Vraiment, tu as trouvé ton personnage scénique et ta tenue de scène, et vraiment, c'est cool, quoi. Et donc, ouais, je comprends, ouais, le côté, mais comment ça? Je viens de faire des blagues, je viens de prendre du plaisir, et en plus, vous me donnez de l'argent, mais c'est Ouais, génial, quoi. exactement. Et ça, c'était vraiment les premières expériences qui étaient voilà, dans le monde du stand-up, tu vois. Après, j'ai eu des expériences un peu plus, tu sais, compliquées, qui sont arrivées aussi. Les galères que tu peux avoir, c'est, tu sais, quand tu marches bien, tu sais, t'as des sessions, en fait, ou des périodes où, à chaque fois que tu montes sur scène, ça se passe bien. Et donc, en fait, tu te prends pour qui tu n'es pas, en vrai. Tu crois que tu es trop fort, en fait. Et en fait, tu as la vie qui t'attrape par le col, tu te dis, hey, t'es qui toi en fait? Attends, viens ici, je vais te montrer qui t'es en fait. Et je suis monté sur scène en mode, vas-y, j'y vais, j'ai pensé à un truc, je vais pas faire comme d'habitude, là je vais faire, vas-y, comme ça vient. Et ben, c'est pas venu, hein. Tu l'attends toujours. Ah ouais, je l'attends, ça fait 5 ans que je l'attends, il est pas venu du tout. Non, et j'ai fait mon truc sur scène, et tu sais, les gens ils te regardent en mode, tu sais, quand il y a un silence, t'entends le ça t'empêche de dormir. Dans ton lit, tu repenses à ça et Ah, tu c'est dis, ça. mais en fait, je suis une merde, j'aurais dû préparer mon sketch et tout. Je me suis pris pour qui? Et ça, c'est bien, parce que ça t'apprend que la vie, ça te met des claques et ça te met dans une circonstance où tu dis, ben en fait, t'es personne, rentre à la maison, travaille et tu la fermes. Et pour moi, ça, tu sais, c'était salvateur, c'était bon. Il faut des leçons dans la vie, tu sais, parfois dans la vie, il faut des bonnes leçons. C'est Mais oui, bien, et ça m'a bien remis l'esprit en place. le stand-up, c'est la remise en question Ah, mais permanente. C'est un jour tu cartonnes, le lendemain tu bides avec le même set. Là encore, toi, tu as fait un nouveau set, mais des fois avec le même set, tu joues dans la même énergie. Un jour tu cartonnes, tu es le roi du monde. Le lendemain tu bides et tu es le dernier des déchets, quoi. je vais t'en raconter une. Écoute bien l'histoire, s'il te plaît. Quand j'y pense, je te jure, ça me. Écoute, c'était dans un café-théâtre à Paris. Le principe, c'était en fait, il y avait deux scènes dans le même endroit. Il y avait un étage, donc au premier étage, et un autre dans une espèce de cave, tu vois, comme une cave qu'on peut avoir dans les cafés-théâtres à Paris. Le même soir, en fait, tu jouais, par exemple, tu commençais à 21h, et l'autre t'enchaînait à 21h30, 22h. Mais comme vous êtes plusieurs à passer, donc quand toi tu finissais, tu pouvais enchaîner sur l'autre plateau. Je joue sur le plateau du bas, énergie, bien, dynamisme et tout, tout. carton. Ouais. Je joue sur le plateau du haut. Et sur le plateau du haut, en fait, il y a un pro qui était venu pour me voir et tout, avec qui on devait échanger et tout, et qui. C'est qu'il voulait échanger avec moi, tu sais, qui voulait, tu vois, valider, tu vois. Donc, je joue en bas carton. Waouh, énergie positive. Je me dis, cool, je vais au premier étage. Même énergie, même dynamisme, avec de la confiance en plus. Ouais. Dur, plat. Merci, bonne soirée. Un bide Et dans pour les une fois, règles, quoi. c'est, en fait, c'était pas tellement un bide. C'était un espèce de. C'était bizarre. Tu connais tes sets. Tu sais que quand tu fais une vanne ou que tu racontes un truc, tu sais que là, ça va rire. Là, ça va rire. En fait, c'est une espèce de courbe qui va varier parce que voilà, t'auras pas toujours le même nombre de rires, mais par contre, tu connais la courbe. C'est-à-dire que tu sais que telle blague fait rire à un certain point, celle d'après, elle fait beaucoup plus rire, donc tu sais que ça va être multiplié, tu vois. Exactement. Et le truc, c'est que dans tes vannes, en fait, tu sais que la vanne d'intro du début, elle est, c'est la base. Et ça te permet de prendre la température, quoi. Exactement. Ça permet de prendre la température. Quand tu vois les rires qui montent, tu dis, ouh là là, ce soir, ça va être bon. Quand c'est moyen, tu dis, bon, il va falloir se battre un peu. Et quand c'est plat, tu dis, ouf. Là, tu sais, quand c'est plat, tu dis, ah ouais, donc celle-là, normalement, c'est carton et là, plat. Ouais, donc tu Faut t'attends se battre, à. il faut Bah, que tu t'arraches de ouf. ouais, mais tu revois tout le reste du sketch, tu sais qu'il va être à la baisse, ça va être plat et tout. Tu sais que ça va être plat, mais tu sais qu'il va falloir peut-être que tu cherches un peu plus, ou tu vois que tu sais que ça va pas être facile, tu le sais, parce que la blague d'intro, c'est celle qui te donne le tempo. Blague d'intro, moyenne. Dans ma tête, je me suis dit, ok, donc il va falloir se battre. Deuxième, moyenne. Je dis, ah ouais, là, c'est pas facile. Troisième, plat. D'accord, carrément, c'est même pas moyenne, quoi. Plat. Plat, voilà. Quatrième, plat. Ça y est, j'avais perdu les gens. Ça y est. Alors, juste une question. À partir de quelle vanne tu t'es mis à saigner du nez? Ah bah déjà, à partir de la deuxième, je commençais à saigner du nez. Au moment de la quatrième vanne, tu as senti que les gens étaient. C'est-à-dire, ils ont abandonné. C'est-à-dire, au début, ils t'ont donné un peu ta chance. Et là, à ce moment-là, ils ont abandonné le projet d'être avec toi, quoi. C'est comme si tu étais dans un ravin, tu es en train de tomber, un gars qui attrape ta main. Une fois, deux fois, et voilà, tu fais pas rire. Ah, vas-y, débrouille-toi, il lâche ta main. Et là, c'était ça, on m'a lâché, gars. Et ça faisait que une minute. Ça a dû faire une longue chute. Alors que Et normalement, la chute, elle arrive à la fin. j'avais un passage de 8 minutes. 8 minutes à faire. Oh là là là là Et là. gars, là, tu es le pire. Le gars, le pro dont je t'ai parlé. Ah ouais, là, il a dû être déçu, là. Et je voyais son regard. Plus j'avançais, plus je voyais la déception dans ses yeux. Et tu sais, il n'y a rien de pire que de visualiser en live la déception d'un être humain qui croit en tout. Oh, je compatis tellement. Et qui Je se compatis dit, tellement. mais pourquoi je me suis déplacé pour lui? Oui, mais tu sais, là c'est encore plus frustrant dans ton histoire parce que ton histoire, ce qui est beau dedans, c'est que tu as enchaîné un carton avec un passage très très plat et surtout tu te dis, mais le mec, s'il était descendu tout à l'heure, c'était parfait. Exactement, exactement. Et donc là, tu as un tunnel, tu connais le fameux tunnel. Bah Bon, oui, bah bien là, sûr. kamikaze, je vais jusqu'au bout et voilà. Donc personne n'est avec moi, mais je fais mon taf jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout, je vais dire, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Et on applaudit, d'accord, ok. Et le truc, c'était qu'il fallait s'asseoir avec le gars, il fallait échanger. Oh là là là là. À ce moment-là, tu peux même pas lui dire, tu peux même pas lui dire, non, mais je vous jure, tout à l'heure, j'ai cartonné. Il va dire, mais Tu veux pas, rien que tu sais, le tunnel de la mort, quoi. Tu sais, quand tu marches vers lui, tu dis, ah vas-y, on va se dire quoi? Là, tu dis, vas-y, on va se dire quoi, là? Parce que là, tu veux pas dire, ouais, mais en bas, c'était génial. Ouais, mais en bas, j'étais pas là. Ça, c'est ça. Donc, Mais il te croira même c'est pas, c'est ça le compliqué. pire. Mais il veut pas te croire, il veut pas te croire. La discussion, c'est en mode, ouais, ça va? Tu sais, il demande, ça va? Non, ça va pas. Mais tu peux pas dire, ça va pas. Tu dis, bah, ouais, t'en as pensé quoi? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Tu sais que ça veut dire, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. T'as un traducteur dans ta tête à ce moment-là. Tu le sais. Pas du tout ce qu'il dit. Bon, bah, écoute, Ouais, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Non, c'était de la merde. Je pensais vraiment que tu étais plus fort que ça. Ouais, non, mais c'était ce genre-là, ça allait pas. Heureusement pour moi, le gars, il a pas lâché. On s'est revu sur un autre, dans un autre contexte et ça s'est bien passé. Et il a compris, heureusement. Non, en fait, parfois, effectivement, un artiste, il faut pas forcément le juger que sur un seul soir parce que parfois, c'est pas son soir. Le pire dans mon histoire, c'était que le même soir, en bas, ce carton, en haut, Ouais, c'est ça. voilà. C'est ça. Les gars, mais la même énergie. Mais tu as dit un mot important tout à l'heure, parce que tu as dit, quand je suis passé donc du bas en haut, j'y suis allé avec la même énergie, les mêmes Et vannes, la même détente et de la confiance. exactement, et de la confiance. Et peut-être que j'avais de l'excès de confiance. Je crois que les spectateurs, tu vois, j'ai essayé d'analyser ça, parce que moi aussi, mes bides, j'essaie de les analyser quand ça m'arrive. Et je pense que c'est quand tu arrives en terrain trop conquis que c'est là que la vie te met une de ces fameuses claques dont tu parlais tout à l'heure, tu vois. Exactement. Je pense que c'est les gens sont séduits, le public est séduit quand il y a une fragilité un peu. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont accroché, j'en parlais je crois l'autre fois dans un autre podcast, c'est peut-être pour ça qu'ils ont accroché tout de suite au style de Paul Mirabel, parce qu'il y a un style de fragilité, même si nous on sait que c'est maîtrisé, en vérité, ça a l'air très fragile et les gens sont contents de prendre un petit peu, tu vois, cette dose de fragilité sur scène et de se dire, ah, le mec, il n'est pas sûr de Exactement. lui et tout. Alors que si tu arrives en mode terrain conquis, genre, vous inquiétez pas, je vais vous faire rire. Tu vois, il y a un mouvement de recul, un truc reptilien, tu vois, qui leur dit, bah attends, le mec, il croit qu'il t'a. Tu sais, genre, tu sais, tout le monde aime bien se dire, ouais, moi, je suis quelqu'un, genre, j'ai de bons goûts en humour et tout. Donc, en mode, je rigole pas à n'importe quoi. Et quand le mec arrive en terrain conquis en te disant, t'inquiète pas, je vais te faire rire, c'est comme s'il y avait un réflexe qui disait, eh bah, tu sais quoi, je vais tout faire pour pas rire. Et c'est à toi de me. Exactement, Tu vois, exactement. c'est à toi de me défroisser, en fait, de me dérider, quoi. C'est exactement ça. Ça donne des bonnes leçons de vie. Mais j'ai pas mal de très très bonnes expériences, heureusement pour moi. Ah J'en oui, ai beaucoup Dieu de très merci, oui, bonnes. voilà, bien sûr, il faut Mais du bon, évidemment. les deux, il y avait ça, et j'en ai une dernière qui m'a vraiment marqué. C'était pour un théâtre. C'était pour un début de production d'ailleurs, parce que la personne qui gérait ce théâtre-là était aussi producteur, productrice. C'est une femme productrice. Et en fait, le deal, c'était, elle m'a dit, écoute, j'entends parler de toi, j'aimerais bien voir ce que tu proposes. Le deal, c'est remplis-nous la salle et fais-nous un bon spectacle, après on débrief. J'ai fait ma com et tout. La salle était blindée, c'était complet. C'était une petite salle, hein. Je crois que c'était 100 personnes. C'était pas un gros truc non plus, mais juste ce qu'il faut, tu vois. 100 personnes, complet. Et le spectacle, c'était génial. Les gens avaient kiffé, j'étais bien, c'est très bien passé. Et la productrice n'était pas là. J'ai dit, oh merde. Oh non, j'aurais tellement voulu que tu me dises, elle avait des étoiles dans les yeux et tout. Elle Oh n'était pas là. non. Déception de ouf et tout. Et tout. Je dis, mais non, c'est pas possible. Même l'équipe du théâtre, toute l'équipe, ils ont dit, non, mais vraiment, ce gars-là, il faut absolument que tu taffes avec lui. Incroyable. Ils ont vraiment aimé. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que tu avais déjà au moins des témoins, quoi, tu vois, qui peuvent lui dire, Oui, ça on c'est bosse clair, ça avec c'est clair. toi, voilà, on bosse avec toi, tu as confiance en nous, on l'a vu, il a déchiré, il a retourné la salle. Donc voilà, tu vois. C'est pas comme si tu disais, ah, c'est dommage, vous n'étiez pas là, ça s'est bien passé. Ah ouais, Voilà, non, quoi. non, son équipe était là. Son équipe était là. Et donc, elle me dit, je suis désolé, il y a mon enfant qui était malade et tout, j'ai pas pu être là. On se remet une autre date et tu viens, cette fois-ci, t'inquiète pas, 2 mois après. 2 mois après, pareil, même condition, du coup, la salle complète, bon spectacle. Entre-temps, j'ai retravaillé mon spectacle, j'ai essayé d'améliorer des vannes et tout et tout. Le spectacle, pareil, très bien passé. L'équipe Ah, et tout a j'ai eu peur. kiffé. Là, tu m'as fait peur, Hervé. Et le truc, c'est que là, Ouais. elle était toujours pas là. Non. 2 fois. Non. Oh là 2 fois de là. suite, mec. 2 fois de suite. Et entre-temps, j'ai passé un casting, j'étais pris pour jouer dans une pièce de théâtre au théâtre de la Gaîté Montparnasse et tout. C'était une grosse pièce et tout, franchement, très beau théâtre. Magnifique. Donc j'ai joué dans la pièce et le producteur de théâtre, du coup, bah, comme je jouais dans la pièce, j'ai demandé si je pouvais jouer mon stand-up là. Il m'a dit, ouais, mais carrément, tu peux le jouer là. Après, le tout, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens. J'ai fait ma com et tout et tout. C'était un théâtre de 400 personnes, 400 places, pardon. Et j'ai réussi à remplir les 400 places pour mon spectacle. Ouais, c'était l'un de mes meilleurs spectacles. J'ai jamais été. En fait, j'ai bénéficié de l'expérience que j'ai pu avoir à travers la pièce de théâtre sur les déplacements, les personnages, l'énergie, l'interprétation. Ça m'a vraiment apporté tout ça. Que du coup, j'ai intégré dans mon spectacle, mon stand-up, et ça apporte encore autre chose. Et j'ai senti que j'avais un peu plus de maturité par rapport à avant, grâce à cette expérience. C'était incroyable, vraiment. C'est le meilleur spectacle de ma vie en fait, que j'ai pu réaliser. Et Là, il n'y avait pas de pros à ce moment-là, parce que les pros ne pouvaient pas être là, parce que c'était l'été, la plupart des pros étaient en vacances. Ah ouais. Et on a quand même fait. Bon, on l'a fait. Donc, la productrice dont je te parlais, dont j'en ai parlé, je lui ai demandé de venir. Elle ne pouvait pas être en vacances et tout, plus d'autres pros qui ne pouvaient pas. Donc, c'était vraiment compliqué. Elle m'a dit, écoute, à la rentrée, on se fait une date. Promis, je suis là. Je suis deux fois, c'est trop et tout. Attends, je me suis dit, c'est quoi ? Elle m'a déjà mis une carotte une fois. Je ne vais pas me faire carotter. C'est bon, une troisième fois. Une fois, deux fois, et pas une troisième fois, ça va aller. Donc là, je me suis dit, c'est quoi ? J'appelle des pros, d'autres pros qui viennent aussi. Comme ça, je... Ouais, tu te mets des chances, tu vois. Ouais, tu te mets un peu en sécurité, quoi, on va dire. Exactement. Et il y a des gars, entre-temps, qui voulaient bosser aussi avec moi. Ils sont venus, ils me parlaient et tout. Je faisais ma régie et tout, mes sons de lumière. Ils sont dit, ouais, on peut t'aider si tu veux pour le son de lumière. On a l'habitude. Je dis, ouais, pas trop, parce que vous connaissez pas forcément mon spectacle. Je voyais mes sons, je dis, ouais, tu vois, la lumière, tu aurais pu se mettre ça comme ça, puis comme ça. Tu sais, avec la naïveté de la jeunesse, tu dis, ouais, peut-être qu'ils ont raison, c'est des pros et je connais pas, peut-être que ça pourrait aider et tout. Mon spectacle était réglé, mais là, tu sais, ils ont eu une expérience, un retour d'expérience. Je me suis dit, ça, peut-être que ça peut être pertinent, tu vois. Mm-hmm. Ok, je vais les écouter. C'est des professionnels. Ils veulent travailler avec moi. Ils sont deux. Ils pensent aussi à travailler avec moi. Ça peut être aussi une occasion de leur montrer que je leur fais confiance et de montrer que le spectacle il est en place et que grâce aussi à leurs conseils, bah, ça a aidé à ce que le spectacle soit encore meilleur, tu vois. Donc, ouais, j'ai écouté quelques-uns de leurs conseils et tout. Et donc, la salle, pareil, la salle était plutôt complète et tout. Au 100, là, je crois, il y avait 80 personnes. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Donc, je fais mon spectacle. Je sens que le set de départ, il prend pas comme d'habitude. Je dis, l'intro, elle est compliquée. C'est pas grave. J'ai déjà vécu ça à travers les expériences d'avant. Je lâche rien. J'ai rien lâché. J'ai fait le taf du début à la fin et tout et tout. Mais j'ai senti que c'était pas ouf. Tu sais, ce jour-là, mon spectacle par rapport aux différentes dates que j'ai pu faire, il était pas ouf. Ouais. C'était bien, mais pas ouf. Ouais, et c'était pas du tout le rendu que tu voulais donner, quoi. Pas du tout. Et tu sais quoi, les jeux de lumière que les gars m'ont dit, ça a foutu la merde de ouf. Ça avait des éclats de lumière sur le public. Ah. Le son était trop fort. Tu sais, des petits trucs comme ça. Alors que j'avais mon truc qui était fignolé. Et du coup, le spectacle n'était pas ouf, tu vois. Mm-hmm. Et donc, je sors. Tu sais, quand tu sors, bon, c'est la sentence avec les pros. Hein. Ouais, et ouais. Tu sais, les pros, il y en a un et tout, carrément, il ne m'a pas parlé. Il était vu, il m'a pas parlé. Tu sais, je parlais et toi avec les gens, tu t'attends pour lui parler. Tu sens que. Mais il n'avait pas envie en fait. Le pro, il n'a pas envie de nous parler. La productrice, pour la troisième fois, elle n'était pas là. Pour la troisième fois, mec, elle n'était pas là. Ouais, mais tu vois, pour cette fois-ci, je ne lui en veux pas de ne pas être là parce qu'il ne fallait pas qu'elle assiste à ça. Bien sûr, mais elle n'était pas là. Et avec les autres pros et tout, plein de bons projets, hein, tout, un film et tout, des petits trucs sympas, tu vois. Ouais, ouais, ça ouais. L'a pas fait à cause de ça. Oh. Et frérot, je rentre à la maison, mais j'étais dans le trou, impossible de dormir. Tu pleures. Ah bah oui, oui, oui. Parce que tu sais ce que tu peux donner. Mais là, t'as montré ce que tu savais donner. Et c'était pas ouf. Quand t'as quelqu'un à qui tu dis, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Tu sais, par exemple, même quand c'est des amis ou des proches, tu leur dis, tu sais quoi, viens et tout, ça va être super, machin. Il peut jamais venir. Et là, tu cartonnes. Et quand après, tu joues, il est dans la salle, malheureusement, ça se passe pas bien. T'as quelqu'un qui perturbe l'ambiance ou je sais pas quoi, ou t'as un problème de micro ou je sais pas. Et là, la personne t'en veut limite. Elle te dit en mode, attends, mais c'est ça que t'as voulu que je voie depuis des mois et des mois? Vraiment, c'est ça? C'est une déception. Exactement. Oui. Écoute, les deux gars là qui m'ont donné les conseils lumière, je t'explique, à la fin, je les ai vus, ils se sont extirpés, ils ont fui. Je les ai vus partir sur le côté. D'accord. Parce qu'ils ont vu, ils ont dit, on a foutu la merde. Ils sont partis. Je pensais qu'ils allaient dire, non, mais t'inquiète pas, on t'a donné la bonne solution, juste il faut que tu le retravailles et tout. Ils ont fui, ils m'ont dit, mais après, ouais, t'inquiète, on veut quand même avancer avec toi et tout. Et en fait, cette expérience-là, ça m'a donné la conclusion que en vrai, de vrai, crois en toi. Ouais, faut t'écouter toi, en fait. Compte sur toi-même, écoute toi-même, fais-toi confiance, écris ce qui sort de tes tripes, et peu importe, juste crois en toi et avance. Si t'es bon, les choses viendront. Point. Ça s'arrête là. Si t'es bon, les choses viendront à toi. Si t'es pas bon, si les choses ne viennent pas, c'est peut-être que t'es pas aussi bon que ça, en fait. Et tu sais, j'ai appris à vraiment me parler vrai, sans faire genre, tu sais, sans faire semblant. Si tu es aussi bon que tu le penses, pourquoi tu en es toujours là où tu en es? Parce que tu n'es pas aussi bon que ça, en fait. D'accord. Donc, travaille. Ça veut dire que tu n'as pas assez travaillé. En fait, l'ambition que tu as n'est pas au même niveau que ton travail. Ton travail n'est pas à la hauteur de ton ambition. C'est pour ça que tu en es là. Ouais, c'est bien, bien expliqué, ouais. Et je me suis parlé, vrai. Tu sais, j'ai pas fait semblant. Je dis, oh, bah ouais, c'est ça en fait. Je vais redescendre, je vais me poser, je vais travailler, et c'est tout. Et c'est tout. Ouais, tu reviens à la base, quoi. Tu reviens à la base. Ça veut pas dire que t'es mauvais, mais t'es pas ouf non plus. C'est tout. Tu comprends? Ouais. C'est de se dire, tu sais, en fait, de se dire la vérité, de pas se mentir. T'sais. Bah, tu vois, moi, ça me rappelle un petit peu les gens, tu sais, qui se mentent à eux-mêmes. Tu les vois. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé avec des personnes que j'ai vues sur scène. Et la personne derrière, elle vient me voir et elle me fait « Oh, t'as vu, j'ai cartonné, hein !» Et j'étais là, en fait. Et ouais. J'ai vu clairement, j'étais témoin, je peux témoigner, j'ai vu la salle mourir sous tes blagues. Tu vois ce que je veux dire ? Pas mourir de rire, mourir tout court. J'ai vu que ça prenait pas. Mais surtout, en fait, c'est quand tu vois le contraste avec les autres, parce que tu sais, c'est souvent sur des plateaux. Et quand tu vois les autres qui cartonnent, et là, la personne en question, elle bide, et après, elle vient te voir, elle te fait « T'as vu, j'ai cartonné, hein !» Ah, moi, ça me... Ah, mais moi, je... mais moi, dans ces cas-là, tu sais ce que je fais ? Franchement, en mode oui, t'inquiète pas. Ouais, c'était bien. Ouais. Tu sais, je veux pas la faire redescendre de son nuage, en fait. Non, ça sert à rien parce qu'en fait, je pense que cette personne-là, elle est dans les premières étapes de sa vie de stand-upper, au tout début. Et toi, tu es un autre moment. Pas toujours. C'est des personnes, des fois, qui font ça depuis des années. Et ils ont limite autant d'expérience que toi. Et derrière, non, ils sont comme ça. Et tu as aussi l'inverse, évidemment. Hein. Il y a les deux faces de la médaille, tu vois. Tu as les gens qui vont faire un bide et qui vont te dire « Ah, j'ai cartonné, je suis content », alors que toi, tu sais que non. Et tu as aussi l'inverse. L'humoriste qui va retourner la salle. Et derrière, tu vois, tu vas entendre « Ouais, mais non, j'aurais pu faire mieux ». Et toi, il y en a aussi qui forcent, hein, juste pour qu'on dise « Mais non, mais tu rigoles, mais c'était trop bon !» Non, alors pas ceux qui vont à la pêche au compliment, tu vois, non. Ah, okay, si tu veux, ceux qui vont aller à la pêche au compliment, c'est eux qui vont venir te voir et qui vont te dire « T'en as pensé quoi ? Moi, je trouve que j'étais pas bon. » Et là, le mec, il veut juste que tu le rassures. Un peu comme ceux qui veulent quitter Facebook en mode « Oui, je vais quitter Facebook. » Et en fait, le message, c'est « Est-ce que vous m'aimez ?» Tu vois, ce que je veux dire ? Non, moi, je te parle de ceux, c'est toi qui vas les voir et tu lui fais « Waouh, franchement, t'as cartonné, frère !» Et le mec, il te fait « Ouais, non, franchement, je te jure, non, c'était bien, mais je sais que j'aurais pu faire mieux, là, je me suis planté, là, je me… » Tu sais, c'est des gars un peu perfectionnistes, voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est des gens qui seront jamais satisfaits et tout. On en parlait avec Farah dans son épisode, et je lui disais, tu vois, à choisir entre les deux extrêmes, soit jamais content, soit toujours content alors qu'il n'y a rien, tu vois, je préfère largement prendre le jamais content, tu vois. Bien sûr, oui, clairement. Parce que là, ça va être de la remise en question permanente. Ah oui, non mais moi je me remets en question maintenant, enfin c'est même pas régulièrement, je me remets en question tout le temps, c'est-à-dire que déjà quand je vais sur scène, à chaque fois que je vais sur scène, je me filme, et quand je rentre, je regarde. C'est important ça, c'est important. Je regarde c'est quoi mon rythme, là je rentre dans des fignolas dans lesquels j'étais pas avant, parce qu'en fait il faut savoir pourquoi tu fais ça en fait, pourquoi tu fais ça, c'est quoi le délire en fait, dans quel cas tu fais ça, non, là je me filme, je rentre, je regarde, j'écoute le rythme, je dis ok, là ça rigole pas. En fait, cette partie, c'est de la merde, en fait. Si tu l'enlèves, ça change quelque chose ? Non, bah tu l'enlèves. Bon, ok, et là, maintenant, tu te donnes quoi ? Ça sonne beaucoup mieux. C'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus rythmé. Eh ben, j'enlève. Je me fais plus de cadeaux, en fait. D'accord. Je me fais plus de cadeaux en mode, ouais, mais cette vanne... Tu sais, on a des fois le délire de, cette vanne, c'est mon bébé. C'est pas ton bébé. Ça se change, en fait. Tu l'enlèves. En fait, si t'es un artiste... t'es capable de créer régulièrement. Donc, des bébés, tu peux en faire plein. Un peu comme un polygame, tu peux en faire plein. C'est pas un souci. Tu peux faire des vannes. Ça peut venir. Si t'es un stand-upper, si t'es un mec, tu peux créer. Donc, ne t'attache pas à des trucs qui te desservent, en fait. Enlève-les. Essaye de créer d'autres qui soient. Soit tu la peaufines pour qu'elle soit meilleure. Mais si tu la peaufines, tu sens que c'est toujours éclaté. Eh ben, tu l'enlèves, en fait. Fin. Ça sert à rien de s'accrocher à des trucs qui puent la merde. Ça casse ton rythme pour rien, t'es éclaté. Ouais. Non, bah, c'est fini. C'est vrai que si ça n'apporte rien, si c'est pas un tremplin pour une vanne plus forte ou un truc comme ça, c'est vrai qu'il vaut mieux l'enlever. Si c'est juste un grain de sable dans l'engrenage, il vaut mieux l'enlever, quoi. Tu l'enlèves. Mais parfois, j'avais tendance à ça et on est beaucoup comme ça à se dire ouais, mais cette vanne, je l'aime bien. Des fois, elle marche quand même. Hein. Non, en fait, moi, quand je me filme, je vois que en fait, cette vanne, elle marche 2 fois sur 5. Et 2 fois sur 5, moi, ça ne me suffit plus, en fait. Il faut que ça marche 4 ou 5 sur 5. Et plus j'avance, plus je veux du 5 sur 5. Si ce n'est pas 5 sur 5, je l'enlève. Il n'y a vraiment que comme ça que tu auras un spectacle béton à 100%. Ah oui, si tu es en mode, je ne sais pas, tu te cajoles un peu trop, en fait, tu fais plaisir à ton ego, en fait. Mais ce n'est pas la réalité de la vie. C'est vrai, c'est vrai. Et mais faire tu vois, plaisir ça... à l'ego, c'est pas ça qui permet d'avancer, en fait. Mm-hmm. Ben moi, ça me rappelle un petit peu, je sais pas si tu avais vu Talking Funny avec Ricky Gervais, Louis C.K., Chris Rock et Jerry Seinfeld. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, non. Franchement, c'est super intéressant. Tu as des versions sous-titrées et tout sur YouTube. Et ils parlent de stand-up pendant, je sais pas, je crois que ça dure 50 minutes ou un truc comme ça. Ah bon, en tout cas, vraiment. Mais c'est super intéressant. Et c'est des maîtres en la matière qui en parlent, tu vois. Tu as Louis C.K. qui expliquait sa construction, parce que par exemple, il y avait un problème entre lui et Jerry Seinfeld, tu vois, il y avait une différence. C'est-à-dire que Jerry Seinfeld disait, mais je comprends pas comment est-ce que toi, tu fais pour changer ton matériel chaque année. Il dit, moi, je garde un spectacle pendant des années et des années. Et j'avoue qu'il y a un truc qui m'a fait bugger. Pourtant, je kiffe Jerry Seinfeld. Hein. C'est vraiment un des mecs qui m'inspire le plus au niveau américain et tout. Vraiment, il est très, très fort. Mais j'avoue qu'il a sorti une blague dans ce documentaire-là qui date de peut-être, je sais pas, de peut-être 2008 ou 2010, je sais pas. Je sais même pas quelle année, mais en tout cas, ça date de très longtemps. Et là, il a sorti un special sur Netflix, genre l'année dernière, tu vois, ou en ouais, je crois que c'était fin 2020 qu'il a sorti un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est son dernier spectacle. Et la blague qu'il a sortie dans ce documentaire, elle était dedans. Et genre, ça faisait peut-être 11 ans ou 12 ans qu'il avait fait le truc, tu vois ce que je veux dire ? Là, ça m'a choqué par contre, tu vois. Ah ouais. Parce que là, il y a autant, il faut jamais se reposer sur ses blagues et tout, machin. Tu sais, genre, rester. Autant, tu vois, enfin, des fois, quand t'as même un hit, des fois, il faut un peu changer aussi, tu vois. Surtout quand t'es Jerry Seinfeld. Pour moi, tu peux te permettre de garder des blagues des années. Tu vois, moi, je prends mon cas personnel. Moi, clairement, j'ai envie de faire encore tourner mon spectacle très longtemps parce que déjà, il a beaucoup changé. Quelqu'un qui l'a vu il y a 5 ans, il retrouvera pas la même chose aujourd'hui. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et voilà. Mais je veux dire, quelqu'un comme Jerry Seinfeld qui, du coup, joue complet partout, fait des, je sais pas, il a sûrement fait des stades et tout. Et derrière, 12 ans plus tard, parce que je te dis 12 ans, ça se trouve, c'est pire. Hein, mais 12 ans plus tard, il te sort la même vanne. T'as envie de dire, mec, t'abuses un peu, tu vois. Et donc, à l'opposé, t'avais Louis C.K. qui disait, moi, je peux pas. Il disait, moi, faut que je me débarrasse de mon matériel et tout, je fais ça tous les ans. Et pour en revenir à ce que tu disais, toi, d'avoir une exigence de 5 sur 5 et tout, qu'est-ce qu'il faisait, lui ? C'est qu'il disait, je prends mon matériel de fin, c'est-à-dire celui qui vraiment va faire exploser la salle pour terminer en apothéose, et il disait, je le mets au début. Comme ça, je me mets en difficulté. C'est-à-dire que les gens vont se dire, waouh, c'est trop fort ce qu'il y avait au début, et ils vont être plus exigeants pour la suite. Et il dit, je me mets en difficulté en faisant mon meilleur morceau au début. Ensuite, les morceaux les plus faibles, il va les virer et mettre que des morceaux forts. Si tu veux, c'est comme s'il construisait un spectacle entier qu'avec des sketchs de fin. Parce que le sketch de fin, c'est le truc qui doit cueillir le public. Lui, il tout prend son sketch de fin, il le met au début. Ensuite, il en retrouve un autre, il le remet juste après et tout ça et tout ça. Du coup, il construit qu'avec du solide de chez solide. C'est exactement ça. Si tu veux avoir un spectacle qui déboîte tout, déboîte tout, en fait. C'est ça. C'est ça. En fait, ouais, là, mais... je me pose une rigueur, une rigueur qui est sérieuse. Hein. Tous les jours, j'écris. C'est bien, c'est bien. Jours, c'est dur. C'est vraiment un processus de souffrance. Une fois que tu as écrit, une fois que tu as construit quelque chose qui te plaît déjà à toi, parce que tu vendras toujours mieux quelque chose qui te plaît que quelque chose qu'on t'a imposé, tu vois. Non, c'est clair. Mais en fait, en même temps, c'est ce que je te disais, c'est de savoir pourquoi tu fais ça, en fait. Pourquoi tu fais ça et quelle est ta vision de ce métier ? Pour quelle raison tu fais ça ? Moi, ce métier, je le fais vraiment par passion, par amour. J'aime vraiment le théâtre. J'aime vraiment le théâtre, le stand-up, l'impro. J'aime vraiment, de manière viscérale, au plus profond de mon âme, j'aime ça. Je ne fais pas ça pour les meufs, pour je sais pas quoi, des raisons stupides. J'aime ça. Donc, je me suis dit, mais si tu aimes ça, en fait, mais fais-le, mais rigole. Ne rigole pas avec l'humour. C'est-à-dire, sois sérieux dans ton travail, quoi. C'est-à-dire... C'est ça. Je ne sais plus qui disait, ouais, l'humour, c'est sérieux, ouais. L'humour, c'est sérieux. Il ne faut pas rigoler en humour. Il ne faut pas blaguer avec l'humour. C'est exactement ça. C'est tous les jours, je me mets entre 1 heure et 2 heures d'écriture. Ça, c'est balèze, ça. Mais c'est ce qu'il faut. Et encore, il y en a, c'est pire, tu sais. Mais ouais, déjà, je pense que le fait de faire ça, c'est pas mal. Et ensuite, les week-ends, tu décortiques ou tu dis, OK. Ouais, sur en fait, que j'ai pu mettre, où est-ce que je peux les placer, comment je peux décortiquer muscler ce qui existe déjà. Tu tamises, en fait, c'est un peu comme un chercheur d'or qui va tamiser après, voilà, et tu vas trouver une mini-pépite et tu vas la mettre de côté, tu vas rassembler toutes tes mini-pépites pour en faire après des morceaux, et il y a beaucoup de sable, en fait, dans le tas, tu vois. Mais là, c'est exactement ça. Alors là, en fait, j'ai profité du confinement, là, tu sais. Le confinement, beaucoup le prennent comme une espèce de punition. Ouais, c'est vrai que ça nous empêche de sortir. Moi, je me suis dit, en fait, ça donne du temps pour écrire. Moi, je pense qu'il y aura un avant et après confinement dans l'humour français. Ceux qui ont bossé vraiment sérieusement, le niveau va monter. Le niveau va monter parce que les mecs ont taffé. Ils ont vraiment taffé en profondeur parce qu'il y avait le temps. Et souvent, quand on a, tu sais, quand on est pris dans le train-train quotidien, on travaille pas comme il faut, ou on pourrait faire mieux, mais on le fait pas parce qu'il y a le train-train quotidien. Mais là, t'as que ça à faire. C'est vrai. Tu peux pas C'est vrai. sortir. Donc, si tu travailles vraiment, je pense que quand ça va reprendre, waouh, il va y avoir, il y aura plein de pépites qui vont sortir. Les pépites qui ont vraiment taffé, parce que forcément, il y Ouais. aura un niveau. C'est ça. C'est super important. Et juste pour en finir sur l'écriture, en fait, j'avais déjà mon spectacle existant et tout, mais là, je reprends vraiment ligne par ligne sur mon spectacle. Ligne D'accord. par ligne. Aucune ligne n'est là par hasard. S'il y a une ligne, c'est qu'elle est bien. Si elle D'accord. n'est pas bien, je l'enlève. Ouais, tu fais du travail d'orfèvre en fait. Genre, tu sais, t'es avec Ouais, clairement. ton espèce de petit truc là, comme tu sais, leurs lunettes là avec les microscopes intégrés C'est là, tu sais. exactement ça. Et tu C'est regardes chaque exactement ça. mot, chaque voilà, tu essayes d'épurer en fait. C'est exactement ça. J'épure et quand j'épure, je dis est-ce que ça c'est vraiment pertinent, est-ce que c'est vraiment gaulerie. En fait, je relis, des fois je laisse reposer, je lis une fois, là, elle m'a fait rire la vanne. Okay. Là, ça m'a fait rire sur l'instinct. Sur l'instant. 2, 3 jours après, je la relis, je dis mais ouais, en fait, elle est pas ouf. J'aurais Ouais. pu la faire comme ça. Je la refais comme ça, ça me fait sourire un peu. Je Ouais, laisse reposer 1 jour ou 2 jours, je relis, je dis ah, en fait, elle n'est pas ouf. Même si je la refais, vas-y, je l'enlève. Il faut que ça me fasse rire. à tête reposée, tu auras toujours comment dire, un peu plus de recul et tout. Et ce que tu trouvais excellent hier, tu vas le trouver moins bien, voire nul aujourd'hui, quoi. Oui, exactement. C'est aussi intéressant de dire pourquoi je trouve nul. Bah, parce que c'est trop long pour rien, parce que c'est pas assez punchy, c'est pas assez recherché. La vanne, elle n'est pas assez poussée, en fait. Elle est trop molle, ou la vanne, c'est trop. Là, c'est poussé, mais c'est trop, c'est plus réaliste. D'accord. Après, moi, je pense que la difficulté, si tu veux, je suis d'accord avec toi sur le fait vraiment de peaufiner chaque vanne, de tailler ça comme un sculpteur et tout, tu vois. Mais la seule difficulté pour moi, c'est que le vrai juge, ça restera toujours le public. Et du coup, Bien sûr. moi, je pense que ce qu'il faut faire, tu as totalement la bonne méthode parce que tu as dit que maintenant, quand tu joues, tu te filmes. Tu as totalement raison, c'est ce qu'il faut faire pour deux raisons. Premièrement, parce que du coup, tu vas pouvoir le voir à tête reposée et peut-être te rendre compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que sur scène, on n'a pas la même perception. Et deuxièmement, alors quand je dis perception, c'est aussi bien dans un sens que dans l'autre. Bien Des fois, tu as sûr, bien l'impression que sûr. ça cartonne, bah, tu as l'impression que ça cartonne alors qu'en fait, non. Et des fois, tu as l'impression que ça bide alors qu'en fait, tu entends des rires. Enfin, pas que ça bide, mais genre, des fois, tu as l'impression que la vanne, elle passe vite fait alors qu'en fait, c'est un carton, tu vois. Donc, il faut bien regarder ça. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu auras sûrement des impros et je sais que toi, tu fais pas mal d'impros. Dès que tu as une impro qui est bonne, bah, du coup, elle est sur bande et tu peux la balancer sur les réseaux. Oui, bah c'est ce que je fais d'ailleurs. Oui, c'est Voilà. ce que je fais. C'est Ouais, ta raison. Et c'est exactement ça. la grosse difficulté, c'est que, comme tu le dis là, par exemple, prendre une phrase, la regarder 2, 3 jours plus tard, machin, ça reste malheureusement toujours que ton avis à toi. L'idéal, Exactement. une fois que les scènes vont reprendre, ce serait de pouvoir faire cette première version, tu vois, la V1 de la vanne, tu la fais, tu la joues sur scène, tu te filmes, tu regardes et tu dis, ouais, non, ça n'a pas bien réagi. Allez hop, je retente Ah une bah oui, V2. c'est exactement ça. Voilà, tu réécris et tu la fais sur scène. Alors que là, malheureusement, avec le confinement, le gros problème et la grosse difficulté, c'est que toi, tu vas faire ta V1, ta V2, mais avec ton ressenti à toi seulement. Exactement. C'est ce que je faisais déjà avant le confinement. Mais là, au vu du contexte du confinement, là, je dois juste faire. C'est pour ça que je suis encore plus exigeant envers moi-même. C'est en gros, il faut vraiment que quand je lis le texte, il faut que j'ai une impulsion. Il faut que je ressente un truc. Il faut que ça me fasse rire. C'est genre maintenant. Ok, là, c'est bon, il y a un truc. Si je D'accord. le lis, je dis. Ouais, je dis, pff, non, nul. J'enlève. Il faut que je ressente une impulsion. Donc, je me mets ça, en fait, comme objectif. Si je ressens pas une impulsion, c'est mort. Parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte, quand je fais mes sketchs, qu'est-ce qui fait rire les gens? Ce qui fait rire les gens, en fait, c'est que c'est déjà moi ce qui me fait rire. Parce que si ça me fait rire, je serais capable de le vendre. Parce que si tu mets des textes qui toi-même te font pas rire, je comprends pas comment tu vas faire rire à les gens. C'est toi-même déjà, il faut que ça te fasse gaulerie, en fait. En fait, moi, je pars du principe que je te partage mon délire. Voilà, mon délire à moi, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça te fait gaulerie ou pas? Parce que moi, en fait, moi, ça me fait gaulerie. D'accord, Je pars mais de ce c'est ça en fait. principe-là. J'assume ce qui me fait gaulerie. Peut-être que ça va te faire rire ou pas, mais moi, en tout cas, j'assume. Ouais, et puis au moins tu seras sûr de le vendre de la meilleure façon. Et puis c'est la meilleure manière de se vendre et de dire venez dans mon univers, tu vois. Genre voilà, je vous présente mon univers, c'est ce qui me fait rire. Si ça vous fait rire, c'est-à-dire si vous validez les premières blagues, il y a des chances que vous validiez tout le reste parce que j'ai tout écrit de la même façon et avec le cœur. Ouais, c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas. C'est vraiment un plaisir de discuter de l'écriture et tout. Je crois que c'est une des premières fois qu'on rentre vraiment dans le détail de la façon d'écrire dans le podcast. Et merci pour ces super anecdotes. C'était un vrai plaisir. Merci à toi. Avec grand, grand plaisir. Juste une chose, ouais, je suis en train de repenser. Tout à l'heure, tu m'as parlé donc, de cette histoire de salle du bas et de salle du haut. Ça me rappelle un truc. Moi, j'ai vécu l'aventure inverse. J'ai eu de la chance. C'est-à-dire que... j'ai joué dans une ville, j'ai joué 2 soirs, j'ai réussi à vendre 2 dates. Et un soir, on a joué dans une espèce d'amphithéâtre. Donc, il y avait toutes les places, elles étaient déjà déployées. Tu vois, donc c'était des places fixes, quoi. Et on avait à peu près 30 personnes qui venaient. Parce qu'en fait, la mairie avait acheté le spectacle. Donc, les gens avaient l'entrée gratuite. Et c'était un mardi soir. J'ai joué mardi et mercredi. Et je me suis dit, bon, ben, on va voir et tout. Sauf que comme c'était des places fixes, et tu sais comment ça se passe, même avant le Covid, hein, je te parle de ça, c'était en 2019. Les gens se sont assis un peu chacun dans son coin. Ça fait que j'avais 30 personnes dans une salle de peut-être 150. C'était éclaté dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, la salle était éclatée au niveau des places et tout. C'était vraiment éclaté. Il n'y avait personne qui s'était mis avec les autres. Et c'était éclaté au niveau de ma prestation. Parce que du coup, en fait, moi, j'ai fait le boulot. J'ai fait le taf. Mais vraiment, pas beaucoup de réactions. Parce que les gens n'étaient pas ensemble. Les gens avaient l'impression d'être chacun devant un DVD, tu vois. Et d'ailleurs, bah, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu as quelqu'un qui te dit « je viendrai te voir en spectacle » et qu'après, il tombe le jour où tu plantes, bah, moi, c'est un de mes amis d'enfance qui est venu avec sa femme. Alors, je te rassure, c'est toujours un ami, tout va bien. Mais il est venu ce jour-là et j'étais éclaté vraiment parce que les gens étaient trop éparpillés dans la salle. Et j'ai fait l'erreur, et c'est une erreur que tu vois, on apprend de ses erreurs. J'ai fait l'erreur de pas leur dire mettez-vous tous ensemble. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est même si la salle elle est trop grande et tout, ne vous mettez pas chacun dans son coin parce qu'après ça dit en fait si les gens sont dispersés, ça disperse l'ambiance. Enfin bref, en tout cas j'avais un pro qui devait venir me voir et je lui avais dit vous venez quand vous voulez, mardi ou mercredi. Et il m'a dit ça m'arrange mercredi. Je suis tellement content qu'il ait choisi mercredi, frère. Parce que du coup, mercredi, moi, j'ai appris, j'ai passé une nuit un peu bizarre, tu vois. Le lendemain, j'étais avec le gars qui organisait ça, il était super gentil et tout, il m'avait accueilli chez lui, j'en profite pour le saluer, salut Nicolas. Et donc, à ce moment-là, le gars, je lui dis, excuse-moi, là, on va jouer dans une autre salle. Donc, c'était pas un amphithéâtre, cette fois-ci, c'était une salle, juste une espèce de salle de MJC, tu vois. Et je lui dis, du coup, comment ça se passe pour les places? Il me dit, là, c'est nous qui plaçons les chaises. Je lui dis, OK, alors, ce que je te propose, et c'est une stratégie que j'utilise souvent, si je lui dis, ce que je te propose, quand c'est un placement de chaises libre comme ça, tu me dis combien il y a de réservations. Mettons, il y en a 40, on met 50 chaises. 50, c'est tout. Tu n'as pas la peine de mettre 100 chaises si tu n'as que 40 personnes ou 30 personnes. Je lui dis, combien il y en a de personnes? Il me dit, il y en a 40 ou 50. Je lui dis, OK, tu sais quoi? On met 50 chaises. On était sûr de 40, en fait. Je lui dis, on met 50 chaises. Et comme ça, les gens, même s'ils se dispersent, ils ne pourront pas beaucoup se disperser, tu vois. Donc, il y aura une place de par-ci, par-là, mais pas beaucoup. Et j'ai bien fait parce que là, les gens étaient tous ensemble. On a mis que 50 chaises, il y avait 40 ou 45 personnes. Le professionnel était là et on a vécu un des meilleurs moments sur scène. J'étais super content. Et le mec, à la fin, il est venu, il m'a fait merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et ça m'a fait plaisir. Et du coup, il faut que je reprenne contact avec lui parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Mais il faudra que je lui dise et tout. Voilà, quoi, qu'on reprenne contact pour pouvoir organiser ça. Mais donc, voilà, ça fait partie des galères d'humoriste et je te remercie vraiment. Ton histoire, elle était belle. Malheureusement, ouais, t'as vécu l'inverse. Toi, t'as vécu le carton quand il n'y a pas le pro et le plat quand il était là. Mais bon. Vécu, trois cartons pleins énervés en plus. T'sais. Et voilà, et trois et cartons voilà. Pleins énervés et un quatrième spectacle. Les pros, c'était compliqué. Bon, heureusement pour moi, la suite s'est bien passée sur d'autres projets. Heureusement. Heureusement. Bah, d'ailleurs, si ça se trouve, la productrice en question qui n'est pas venue aux 3 spectacles, ça se trouve, elle se dit encore que tu cartonnes, donc c'est une bonne nouvelle. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Mais après, du coup, ça ne sera pas avec elle. Ah non, mais c'est sûr. Là, j'imagine que tu ne feras pas une quatrième fois. Ouais, j'imagine. Non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut se respecter. C'est sûr. Soi-même. En tout cas, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, principalement sur Insta, effectivement. Je suis souvent sur Insta, sur Facebook aussi, mais plus sur Insta, où là, je suis dans un délire de développement personnel et tout. C'est mon délire du moment, j'aime bien. C'est ce que je suis passionné de ça, en fait. Ça fait 3 ans que je suis à fond dedans. Et donc, c'est mon délire du moment. Faire rire à travers des messages positifs, c'est mon délire, parce que j'aime ça. Ah.